Thank you. Safe and sound. alone, feeling sad, really gets bad. Wrong. Midnight. Les souvenirs commencent toujours vers minuit. Je n'ai pas le cœur à supporter ces souvenirs quand mon cœur est toujours avec toi. Et le vieux minuit le sait aussi. Wow. Bravo. Bravo. TP.